Savez-vous, prince, que vous êtes terriblement ignorant? Quel que soit le renseignement qu'on vous demande, un nom, une date, un endroit, vous restez muet. Vous avez raison, Aglaé, mon bagage intellectuel n'est pas lourd. Comment voulez-vous alors que je vous estime? Et Aglaé abandonna le salon. Le lendemain, elle déconcerta de nouveau ses parents. Voilà comment les choses se passèrent. Le prince Choumkine, le fiancé d'Adélaïde, se rendit chez les Yepanchin. Au bout de quelques minutes de conversation générale et anodine, il se permit une allusion au sujet du changement prochain qui devait se produire dans la famille, et il le fit en toute innocence. Cependant, une vive indignation s'empara d'Aglaé. Vos suppositions, prince Choumkine, sont aussi simples que gratuites. Je n'ai pas l'intention de remplacer la maîtresse de quiconque. Le soir même, le général Yepanchin, me rapportant les paroles de sa fille, crut de son devoir de me tranquilliser. Ne t'afflige pas, prince. Ce n'est qu'une boutade de la part d'Aglaé. Elle sait pertinemment que tu n'as jamais entretenu de liaison avec Nastasia Philipovna. D'ailleurs, cette intrigante doit se marier avec Rogojin. Alors, ne te laisse pas rebuter par les sautes d'humeur d'Aglaé, mon cher. Tout s'arrangera, tu verras. Mais je n'avais pas besoin des encouragements du général Yepanchin. J'étais confiant. Et pourquoi ne pas le dire? Je nageais dans le bonheur. Oh, il m'arrivait bien parfois de constater que le visage d'Aglaé s'assombrissait et que l'hostilité et l'impatience se lisaient dans ses yeux. Mais je chassais immédiatement le doute qui effleurait mon esprit et je continuais à croire qu'en définitive, elle deviendrait ma femme. Un jour, je rencontrai dans le parc Hippolyte, ce jeune homme atteint de phtisie qui vivait chez les Ivolgin. Eh bien, prince, ne vous avais-je pas dit vrai? À quoi faites-vous allusion, je vous prie? À ce que vous êtes amoureux d'Aglaé Ivanovna, voyons. Inutile de nier, prince. Votre amour se lit sur votre visage épanoui et plein de suffisance. Hein? Parlons plutôt de vous, Hippolyte. Vous avez une mine superbe. J'en suis content, très content, croyez-moi. Hippolyte ne m'avait accosté que dans le but de me dire une méchanceté. Mais il n'insista pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien les Ivolgin, sans exception, sont égoïstes, irascibles et vaniteux. Non, pas tous, Hippolyte. Et pas à tel point. Vous croyez? Eh bien, vous vous trompez. Savez-vous qu'ils ne m'ont accueilli qu'à la condition que je meure le plus vite possible? Et comme je ne suis pas mort, ils grincent des dents et me vomissent. Voilà! Écoutez, Hippolyte, je ne pense pas que les Ivolgin... Vous n'allez tout de même pas prendre leur défense! Je n'ai pas beaucoup de temps. Sinon, je vous aurais ouvert les yeux sur cette canaille de Gagna et sur les espoirs qu'il nourrit. Aidé par cette délicieuse sœur Varvara, il ne cherche qu'à vous nuire auprès d'Aglaé Ivanovna. Mais vous, vous souriez. Cela me navre de vous voir aussi confiant à l'égard de ces vauriens. Hélas, vous ne pouvez pas être autrement. Vous le regrettez? À votre avis, j'aurais été plus heureux si j'avais été plus méfiant, plus inquiet. Oui, prince! Il vaut mieux être malheureux et savoir que d'être heureux, comme vous dites, et vivre comme un sot. Vous semblez ignorer que Gabriel Ardalionitch, ce doux Gagna, se livre avec vous à une concurrence déloyale auprès de l'honorable famille des Yepanchin, et en particulier auprès d'Aglaé Ivanovna. Votre jugement sur Gabriel Ardalionitch est bien sévère, Hippolyte. Il a perdu tant de choses ces derniers temps. Il est normal qu'il essaye de s'accrocher à quelqu'un pour améliorer sa situation. D'ailleurs, je ne comprends pas ce que vous voulez dire exactement, lorsque vous prétendez qu'on me nuit. N'importe quel imbécile aurait compris, et depuis longtemps vous pas. Et pourquoi? Parce que vous avez, comme on dit dans les romans, de la grandeur d'âme. Oui, prince, même si on vous mettait le doigt sur la plaie, vous n'y croiriez pas encore. Dites-moi. Me méprisez-vous beaucoup? Oh non, je ne vous méprise pas. Vous avez souffert et souffrez plus que nous tous. Votre rancune envers vos semblables est compréhensible et même très excusable. Vous croyez? Je vais vous faire un aveu, prince. Je ne me considère pas comme digne de souffrir. Mais pourquoi cela, Hippolyte? Celui qui souffre est digne de souffrir. Aglaé Ivanovna est de mon avis. Vraiment? Vous lui avez donc parlé de moi? À quel propos, s'il vous plaît? Je ne m'en souviens plus. Qu'il vous suffise de savoir qu'Aglaé Ivanovna s'intéresse à vous et vous estime. Aglaé Ivanovna est une personne sensible. Par ailleurs, elle est fine, intelligente. Et j'ajouterai, au risque de paraître ridicule, qu'elle est amoureuse de la pureté. Quel dommage qu'elle vous filera sous le nez. Si je n'étais pas un sursitaire de la mort, j'aurais essayé de la conquérir. Voilà. Je dois mourir à brève échéance. Alors, à quoi bon tenter l'impossible? J'y renonce. Vous ne savez pas à quel point votre Gabriel Ardalionitch mérite et me répugne. Mais pourquoi revenir à lui, Hippolyte? La charité nous commande... Rien de... Rien du tout, prince. Il n'y a pas de charité hors de celle qu'on se prodigue à soi-même. Vous savez ce que votre canaille de Gagna a trouvé pour me consoler d'une mort prochaine? Non. Eh bien, je vous le dirai. Il m'a annoncé solennellement que parmi nos connaissances, il y en avait 3 ou 4 qui allaient mourir avant moi. Bien trouvé, prince. Comme si la mort des autres pouvait me consoler de la mienne. Oh. À propos, prince, donnez-moi votre avis. Quelle est la meilleure manière de mourir? En nous pardonnant à nous, les vivants, notre bonheur de vivre. Je le savais d'avance. Oui, je m'attendais à quelque chose de ce genre. Ces gens vertueux et charitables. Au moins, vous m'avez fait rire, prince. C'est déjà beaucoup. Merci. Adieu, cher prince. Le lendemain, j'eus l'occasion de relater à Aglaé ma rencontre avec Hippolyte. Elle m'écouta d'abord avec attention, mais au bout de quelques minutes, m'interrompit sans façon. Vous savez que maman organise une soirée pour vous présenter au monde. Pensez-vous pouvoir venir à cette soirée? Certainement, je ne vois pas pourquoi. Oh, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. Vous êtes vraiment impossible, prince. Peut-on vous parler de quelque chose de sérieux, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie? Je crois que oui, Aglaé. Parlez, s'il vous plaît. C'est bon. J'ai toujours trouvé absurde certains principes de maman. Elle s'incline devant toute cette canaille qu'elle appelle le monde par une sorte de lâcheté qu'elle n'avouera jamais. Et la voilà organisant cette soirée ridicule au cours de laquelle elle vous exhibera à ses invités et vous fera subir un examen général. Ah, je comprends, oui. Vous craignez que je ne rate cet examen? En un sens, oui. Saurez-vous prendre une tasse de thé et la boire proprement lorsque tout le monde vous regardera? Je saurai, Aglaé, ne vous inquiétez pas. Eh bien, c'est dommage. Essayez au moins de briser le vase chinois qui se trouve dans le salon. Il coûte très cher. Oh oui, je vous supplie de le briser. Maman deviendra folle. Les invités feront des figures longues d'une aune. Et cela me donnera l'occasion de rire un peu. Non, je ne briserai pas le vase. Vraiment? Alors tant pis. Mais vous pourrez peut-être aborder un sujet sérieux et élevé, comme vous le faites d'habitude. Je ne le ferai pas non plus. Je crois que ce serait stupide de ma part. Écoutez-moi, prince. Si jamais vous parlez de quelque chose comme la peine capitale, ou la situation politique de la Russie, ou encore comment le monde peut être sauvé par la bonté, je vous préviens, vous ne remettrez plus les pieds ici. Je vous chasserai, vous m'entendez? C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Ginette Taffin, Aglaé, René Ferral, Hippolyte et Pierre Bertin, le général Yepanchine. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.